rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Ouais, ouais. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Et c'est le dernier Planète Rap de cette saison 2013-2014. On va revivre dans un instant quelques extraits de ces meilleurs moments de l'année 2013-2014. Mais pour finir en beauté, Monsieur Mokobé a débarqué. Aye, comment va Moko? On peut pas passer et partir en vacances comme ça sans te recevoir. C'est clair, ça fait plaisir en tout cas. Bah bienvenue, ça va? Bah ouais, cool. En pleine forme? En super pleine forme. C'est Doudé, en effet, on va en parler. C'est Doudé. Petit missile que t'as balancé comme ça. Voilà, un missile que j'ai balancé. On va dire que tout commence à partir de ce soir, puisque voilà, le clip va être balancé à 21h. Mmh. Donc voilà, en exclusivité à 21h. Sur ma page Facebook et voilà sur YouTube, sur ma page Facebook Mokobé. Donc voilà, donc ça faisait longtemps, hein, ça faisait au moins 2-3 ans que j'avais rien sorti. Donc là c'est le grand retour et ça ne fait que commencer. Et puis un retour généreux puisque en fait si on achète là tout de suite le single, on peut aller le trouver sur iTunes. C'est clair. La majorité, tous les revenus, tous les bénéfices iront directement à une association. 100% des revenus. Qu'on va présenter dans quelques minutes aussi, une voilà, assoce. Voilà, 100% des revenus du single seront reversés justement à l'association SO. Un repas pour tous. Donc voilà, c'est des repas qui livrent toute l'année. Mais justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un des membres va nous parler un petit peu de la sauce. Voilà. Bon, bah, c'est bien. On finit en tout cas en beauté ce Planète Rap avec toi, Mokobé. Voilà. Super. Avec LECK qui est là, qui vient d'arriver aussi. Voilà. Parce que mon artiste. C'est vrai qu'il est aussi sur ses doudés. Mon artiste. Ton artiste. Voilà. Le maison. Exactement. À moi. Tu l'as conseillé en coupe de cheveux ou pas aussi? Tu l'as conseillé ou pas? Ça va, t'inquiète. Non, en ce moment. C'est le mondial. C'est la sortie mondiale. C'est les vacances, on va aller voir. Neymar, tout ça, tu connais. Voilà ce que je veux dire. Ça va bien, le CK en forme? Très, très bien, merci, ouais. Tout roule. Moi, j'aurais kiffé avoir des cheveux comme lui aussi. Tu vois, quand j'étais petit, je rêvais de plonger dans l'eau, de secouer mes vœux, je sais pas, tu vois. Il a de la chance. En tout cas, c'est Doudé. Eh ben, c'est Doudé. On va l'écouter dans un instant. Juste avant, on va se faire le medley de cette saison Planète Rap 2014. C'est 5 minutes. Vous allez retrouver une partie de des artistes qui sont passés durant cette année. C'est parti. Pour la nouvelle saison 2013-2014. Grosse semaine, je vous le disais. Stromae à l'honneur, Eminem à l'honneur. Bienvenue, Caris. Il est arrivé, ça y est, il est en France. Merci beaucoup, welcome, bienvenue. Maître Gims est là parmi nous, comment ça va? Ça va. Toute une semaine avec Ice MC. Merci de m'accueillir dans les locaux de Skyrock, Fred. Ce soir, Sultan, comment va? Tranquillement, et toi? Zao est là avec nous. Eh bien, je tiens à dire que je suis très fier de Fred, puisqu'il a taillé la barbe. En direct, Skyrock. Skyrock Radio. Passe un bon été sur Skyrock. Skyrock tonight. Oh na na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. F.A. Babe, Winnie Babe, Cindy et Soul Twan. On est sur Planète comme les chiens de la Planète Rap. Alright. I said, girl, you got it. Perso, on a celle. Et je me battrai dans ma life. Ooh, et je me battrai dans ma life. Et je me battrai dans ma life. Du perso, on a celle. Baby, what I'm doing tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je vais vous raconter ma life. Comment s'en porter du Skyrock flow. When it's your fiddle and when break it up. She doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't. Ne m'appelle pas. Je suis pas là. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. C'est la famille. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les mannequins de Schindler viennent de Vénus. Crois que je vais me faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. All of me, even when I lose, I'm winning. Could I give you all? Exclusively on Planet Rap. On Planet Rap. Dans ce mini. Ce mini, ce mini world. Oh, mais toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Je disdaigne, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis ta vie. Un big up à l'émission de référence. Planète Rap. Je suis un zombie. Quatre, c'est le Barça. Devine qui tient le Brassa. En lit, c'est des Gaza. Port au prince, Brassa. Passe mon jambe, roulez. La mort au Tchétché. La mort au Tchétché. La mort au Tchétché. La mort au Tchétché. Cette société qui nous rend marginale. Pénétration anale, animale. De plus petit peu, on écoute ça, man. Planète. C'est pas l'intéressant. Sur toi, je compte pas. On m'a dit, tu grandis, tu oublies. Moi, je grandis, mais je gomme pas. Tu me fais celle qui a pas faim, mais que tu te frottes à ma jambe. Yeah, yeah, liar. Just a little air. Shoot your hunger. T'es pas mini, j'ai des cils, mais je m'en fous, c'est mignon. Punchline, tu es trop loin, you can't see me. Au niveau des chiffres, 5 freestyle, donc 5 bombes. Peut-être que je peux traire le million, chaque les rageux seront nombreux. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettes et les bouteilles d'alcool. Toxique comme la nicotine, on parle de mes textes sur les deux pôles. Négro, qu'est-ce t'imagine le flot de guillotine. C'est pour ça que t'as plus trop la tête sur les épaules. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faire un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Comment ça? On serait tous des putes. Parle pas de Moïc parce que tu m'as vu manger. Comment ça? Finis les machos. Je vais finir par me sauver. Je ne suis pas un lover. Passe un bon été avec le son de Skyrock. Des Magic India. Allez, allez, allez. Lève la main. Allez, allez, allez. Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui. Qu'il avait trop style. Qu'il vendait du Rival Lady. Pour lui, personne se faisait le pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Des années passent, mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent. La la la la la. Mais. Yeah. Ok. On a fait chanter Fred aussi, ça c'est. Ouais, ouais, mais c'est bien comme ça, on va arrêter les conneries. Planète Rap te souhaite de bonnes vacances avec Skyrock. Voilà le medley de cette saison 2013-2014. Encore une grosse saison. Où sont passés d'ailleurs LECK, Mokobé? Je t'ai vu aussi durant cette saison. Vous êtes passés. Ouais. LECK, on réécoutera le 9-4, c'est le Barça. Tu te souviens de ce moment, ouais, justement, avec Kerry, avec Dry. On pourra réécouter ça tout à l'heure parmi les meilleurs moments de l'émission. Super. On vous remettra ça tout à l'heure. Et puis donc ce soir, il y a Mokobé qui a débarqué avec LECK pour C'est Doudé. Voilà. Donc un petit mot quand même, pourquoi t'as voulu balancer ça avant l'été? C'était quoi? C'était un morceau que t'avais en réserve? C'était quelque chose? En fait, c'est un morceau, là je suis en train d'enregistrer justement mon album et qui est prévu normalement, Inch'Allah, pour le mois de janvier, j'espère, fin de l'année. Fin de l'année ou début janvier. Début 2015. Voilà, pareil pour LECK, là, en train de préparer un album qui est monstrueux, qui est vraiment très très lourd, encore plus lourd que ce qu'il a fait auparavant. Il est vraiment meilleur de sa forme. Ouais. Vraiment, l'album, c'est incroyable. Ça va être du très très lourd. Et donc voilà, donc il fallait que je balance un premier extrait. Et ça faisait un moment. Et donc je l'ai balancé là. Mais par rapport à tout ce qui se passe, j'avais envie que le morceau soit utile à une cause. Et donc je pense que la meilleure manière pour moi, justement, c'était de balancer ce morceau qui est quand même qui est pour moi un antidépresseur qui fait vraiment du bien. C'est pour ça, c'est Doudé, ça veut dire voilà, c'est Doudé, c'est la douceur au maximum. Et justement, 100% de mes revenus sont reversés à l'association SO pour justement donner des repas, parce que pour moi, je pense que le plus important pour des gens, pour une famille, avant tout, c'est de manger, de pouvoir manger à leur faim. Donc c'est très important. Donc pour moi, si ça peut rendre utile, donc voilà, donc je reverse tout. Et c'est une association que t'as rencontré comment, toi, Moko? En fait, ça fait un moment que je travaillais déjà avec eux, c'est-à-dire que dès qu'il m'appelait, je répondais présent. Il y a Sorona, justement, qui est vraiment une petite sœur, c'est la famille. Et donc voilà, il fallait absolument que c'est naturel, en fait. Voilà, c'est naturel. Elle fait vraiment des bonnes choses. C'est vraiment notre sœur. C'est notre sœur à nous tous. C'est une militante. Elle est là depuis super longtemps. Et donc voilà, j'ai voulu justement mettre en avant et coller justement mon projet. à cette association qui est vraiment une association fiable et où voilà, ils livrent des repas. C'est pas juste une période, c'est pas un repas pour certaines personnes, c'est vraiment un repas pour tous. Comme il peut y avoir malheureusement parfois. Ouais. Voilà, comme il peut y avoir malheureusement parfois. C'est peu importe, soit noir, blanc, jaune, violet, tout ce que tu veux. Voilà. Y a un on va présenter dans un instant un des membres de l'association qui est là avec nous. Voilà. Mais juste avant, ce que je propose, c'est qu'on mette le morceau quand même, c'est Doudé. Voilà, le morceau c'est Doudé. Qui est trouvable là tout de suite, on peut le commander tout de suite. Tout de suite en téléchargement disponible sur iTunes dès maintenant. Donc voilà, c'est pour la bonne cause aussi en même temps. Le son est là, lourd, avec le clip qui arrive à 21h. Mmh. Et voilà, et au passage, un très bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire, Jou. Voilà, love, on est ensemble. Allez, on balance le morceau et puis après on vous présente la sauce. Jou. Ça c'est Doudé. C'est moi qui est Doudé. Ah, laisse-moi. Non. Ça c'est Doudé. C'est moi qui est Doudé. Je t'ai dit que c'est Doudé. Madame, c'est moi qui est Doudé. Voilà, c'est Doudé. Bon, ok. C'est Doudé. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Entre l'espoir et la crainte, c'est pas facile. Toucher nos rêves, tant que possible. Accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible. On s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde comme Tom Hanks sur une île. Sauve ton cœur, laisse parler, avance, rien ne sert de courir après le passé. Caresser l'espoir, c'est douter. Savourer une victoire, c'est douter. Un mariage, une naissance, un baptême, un ami, tout ce qu'on partage, c'est douter. Laisse les grimaces, je vois un smile et je vais injecter de l'amour et de la paix comme Bob Marley. C'est maintenant jamais, la vie, on va la slataner. Let's go! Sur iTunes, tout de suite, tout de suite. Comme tout le monde, oui, j'ai des défauts. Je fais ce qu'il faut, même si je fais des fautes. Si je flaire, faut que je me rattrape. Car dans ma vie, j'en ai vu d'autres. On dit qu'il n'est jamais trop tard. Faut bien prendre un nouveau départ. Le clip à 21h ce soir. C'est Doudé. On se lève chaque jour en quête du bonheur. Ils disent qu'on y arrive de justesse. Qu'on a beaucoup de faiblesses. M'en résiste every day. Serre les coudes, c'est Doudé. Ensemble, on relève les défis. C'est la raison d'entrer. C'est un des gros sons de l'été, celui-ci, Mokobé. Voilà, Inch'Allah. Il faut l'avoir. Il faut, on peut pas partir en vacances sans ce son. Non, on peut pas partir en vacances sans son. Et justement, ça va même se ressentir par rapport au clip. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment, voilà, ce morceau, c'est un antidépresseur. C'est un morceau qui donne de la joie, qui donne du sourire. Et j'en profite en même temps pour vraiment, parce que c'est important. C'est-à-dire que voilà, il y a eu l'année 2013 qui a été un peu une sale année. Je parle, ça peut être une bonne année pour d'autres personnes, mais voilà, pour certaines personnes, ça a été dur et tout par rapport à la crise au Mali, même pour moi personnellement. Là actuellement, voilà, j'ai une pensée vraiment vraiment pour le nord du Mali, pour la Centrafrique. J'ai une pensée aussi pour la Syrie. J'ai une pensée aussi pour la Palestine. J'ai une pensée vraiment à tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui souffrent dans le monde. Et vraiment, Inch'Allah, que la terre soit légère à tous nos disparus. Et j'espère que la paix va revenir, parce que c'est ce qu'on souhaite. Nous, ce morceau, c'est l'esprit, c'est vivre ensemble. Et ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut pas la guerre. On veut que ça se passe bien. On est en 2014 et c'est dur de voir encore des images comme ça. Donc voilà, donc on est obligé de pousser. Donc voilà, c'est un morceau qui apporte du bonheur et de la joie. Et il apporte du bonheur et de la joie, puisque les revenus de ce morceau, donc si vous allez l'acheter là maintenant, et il est pas cher, hein, ouais. C'est quoi, c'est 1,29€, voilà. 1,29€, vous allez sur iTunes, vous le téléchargez, voilà. Et donc tout est reversé à une association. Voilà, justement. Et qui s'appelle SO. Et un des membres qui est là, qui s'appelle Majid. Bonsoir. Bienvenue Majid, ça va bien? Ça va, et vous? Bah écoute, en pleine forme. Parle-nous un petit peu de la sauce, justement, la sauce SO. Qui ouais. S'écrit comment d'ailleurs? Alors c'est S-O-W. S-O-W, ouais. Donc, S pour Smile for the Orphans in the World. Bon, désolé pour l'anglais, mais ça veut dire un sourire. Non, pas mal. Donc SO, c'est une association qui est une vieille association ou qui existe depuis un moment? Alors, ou assez récente? Elle commence à être plutôt jeune. Elle a été créée en 2009. Donc on commence déjà à être pas mal. Elle agit au Mali, au Sénégal, en Égypte et aussi en France. Donc c'est surtout pour la cause des orphelins dans le monde. Et pour en revenir à l'action qu'on est en train de faire en ce moment, ça n'a pas de rapport vraiment avec les orphelins, c'est plus de la solidarité tout court. Et ça, c'est en France, hein, c'est ça? Ça, c'est en France. C'est en France. C'est-à-dire qu'on fait ça sous. Enfin, il y a deux types d'actions. Il y a les maraudes en hiver, où on circule dans Paris pour trouver les SDF et leur donner des repas chauds. Mmh. Et cette action, donc un repas pour tous, où là, on récolte donc des denrées et aussi des fonds pour pouvoir livrer des repas donc à des familles défavorisées. Et ça, toute l'année, en fait. Parce que je suppose que même si on a l'impression qu'il fait beau et que ça va. Voilà, la misère s'arrête jamais. Et que même d'ailleurs l'été, je crois que c'est même plus tragique parfois pour les SDF, parce que c'est beaucoup plus compliqué en fait l'été. Il y a moins de monde qui s'occupe d'eux. On pense qu'il y a plus de problèmes, mais en fait les problèmes il y en a tout le temps. Donc voilà, donc l'action C'est Doudé. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, bah, c'est pareil. L'action C'est Doudé. Donc justement, oui. Un repas pour tous. Tous les revenus sont reversés à SO. Donc je remercie Mokobé pour cette action. Juste pour en donner un chiffre, l'an dernier sur les maraudes et sur un repas pour tous, on a donné à plus de 600 familles. Donc pour une association qui est pas spécialisée là-dedans, c'est pas mal. Et donc on veut éclater le record cette année. Donc on vous donnera un chiffre à la fin de la campagne. Et voilà, donc ceux qui veulent plus d'infos, je vais quand même donner juste le site web. Bien sûr, vas-y Phil. www.so, donc sow-asso@2so.fr, ou alors la page Facebook Association SO. Donc Association SO, SOW, pour retrouver la sauce. Deux choses pour finir. Donc ce soir, il y a le repas du partage, donc à Kron. Donc tous les auditeurs, vous êtes tous invités. Donc un petit message à la présidente, si t'as beaucoup de monde qui arrive ce soir, tu te débrouilles. Voilà. C'est dans le 9-1, c'est vrai. C'est un grand repas. Bon, voilà, c'est un grand tour géant, mais qui est vraiment proposé à tout le monde. Bon, vraiment, c'est si les gens veulent voir comment les gens arrivent à s'entendre ensemble, à vivre ensemble, ils ont qu'à venir ce soir à ce repas-là. C'est il y aura plus de 700 personnes. Il y avait l'an dernier 700 personnes dans la France à Kron, dans la salle qui s'appelle la salle aux tulipes. Donc allez faire un tour là-bas, peut-être même d'ailleurs apporter peut-être un petit quelque chose. Mais de toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Le but c'est de venir. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez faim, vous passez à côté. Voilà. Et bah très bien. Donc dès la fin du Planète Rap, direction Kron là-bas dans le 91. Donc ça c'est la première action. Ouais, il y a une autre action. La dernière chose, non, je voulais juste remercier Mokobé, parce que c'est pas la première fois qu'il aide SO. Il est là depuis. Enfin la première fois que je l'ai vu, c'était pour les personnes qui étaient expulsées à la Courneuve. Et depuis, on l'a vu assez souvent pour SO. Il a même participé. Enfin il a présenté. Ah bah Mokobé, c'est vrai que on le voit sur. Voilà, même si c'est pas ultra médiatisé. D'ailleurs, je pense pas que tu recherches ça, Mokobé. Non, parce pas que du tout. C'est pas le côté pour arriver avec des caméras, des appareils photo, etc. Non, en disant j'étais là. Mais c'est vrai que tu parlais de la Courneuve. J'ai vu aussi à l'époque au gymnase. C'était dans la Cachan. Ouais. À l'époque du gymnase de Cachan et à la Bourse du Travail aussi. T'étais il y a pas très longtemps là. Durant cette année où t'as été à la Bourse du Travail, c'est vrai que tu fais partie des gens qui, même si ils sont pas tout le temps en train de dire sur les réseaux sociaux je suis là, ouais, on essaie, qui est souvent présent sur le terrain. comme on dit, la parole colle avec les actes. En vérité, nous, on a la chance, Dieu merci, de pouvoir être exposé, de pouvoir être des leaders d'opinion, de représenter la voix des sans-voix. Et à un moment, c'est important justement de tendre la main. Faut pas être ingrat. Moi, je suis pas un révolutionnaire de salon, un révolutionnaire de studio. Ce qui m'intéresse, c'est d'être aussi sur le terrain. Si à un moment dans mes morceaux, je parle d'inégalité, et ben il faut que ça colle justement avec ce que je fais. Et voilà, je ne cherche pas à faire de la pub ou autre chose. Il faut juste avoir une conscience et du cœur. Et donc voilà. Et puis c'est pareil pour les gens qui m'entourent, qui sont autour de moi. Et le CK qui est à côté de moi fait aussi énormément de choses pour des associations. Et c'est comme ça, on est comme ça. Même le voilà 113, on a toujours été comme ça, on a toujours grandi comme ça, et ça changera pas, Inch'Allah. Bon, on mettra le morceau C'est Doudé, où d'ailleurs tous les revenus iront à l'association SO. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais juste dire, achetez le morceau. Bah allez-y, 1,29€, je pense. Voilà, allez, bombardez ça. Tiens, je vais aller l'acheter maintenant pendant la pub. Bah c'est super, d'ailleurs tout le monde va aller l'acheter, sortez vos portables. Allez hop, go, non mais autant le faire, voilà, c'est pour une bonne association. Allez, bim bim. Bah c'est super. Merci Bim Bim. Je file les codes Wi-Fi hein, pour ceux qui disent ouais mais ça capte pas dans le studio. J'ai les codes Wi-Fi hein, je vous le dis. Voilà. Et ouais, tiens, on va l'acheter pendant la pub le morceau. Dites-nous si vous l'avez acheté. Envoyez aussi les captures d'écran si vous avez acheté le morceau. Tiens, comme nous pendant la pub, c'est 1,29€. Allez-y, parce que parfois c'est vrai qu'on met souvent 1,29€, parfois voilà. N'importe quoi. Donc, c'est clair. Dans un paquet de clopes, il nous manque, tiens, on met 1,29€, là c'est pour une bonne chose. Pas très cher, 1,29€. On va tous l'acheter, en tout cas nous dans le studio, vous aussi peut-être à la maison. Faites les captures d'écran, balancez-les sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Allez-y, le morceau s'appelle C'est Doudé de Mokobé. Aïe. Et tout va à la sauce So qui est représentée ici par Majid avec nous. Et So, c'est S-O-W pour avoir plus de renseignements. On va revenir avec LEC. LEC, on va t'écouter avec Kerry dans un instant. Ouais. Avec Sam de Deuxième France, avec Dry aussi. Tu te souviens de ce moment dans Planète Rap? Ouais, 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'était avant le concert au mois de novembre de Bercy. Exactement. On l'écoute juste après la pub, bougez pas. Fini. Comme toi. Ils ont tous choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'est pour les Rude Boys. C'est pour les Gaïa aussi. C'est pour les Rude Boys. C'est pour les Gaïa aussi. C'est pour les Rude Boys. C'est pour les Gaïa aussi. C'est pour les Rude Boys. C'est pour les Gaïa aussi. 9-4, c'est mental. Ce n'est pas juste un code postal. Demande à Ménès. Comme c'est brutal, comme Valdez, faut le parpal. Le respect, il est vital. Ouais. Le penalty, il est frontal. Les coups francs se tirent en rafale. Et te faut du cran comme Abidal. Coup de tête contre Zidane. Sidekick contre Zlatan. Transfert contre Paname. Marseille. Paname. Le game. Khalil. Physique. L'arbitre, c'est le légiste. Khalil Khalilou. Délite. L'amour. Le clair de lune. Subit. Paris, c'est magique. D'ici. Parfois, c'est tragique. Tragique. Grosse prodigie. C'est là-bas que ça se passe à Marseille. Le clair de lune. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. C'est le remix. Yeah. Mansley. Amo. Deuxième France. Non, Mansley les sorties maintenant. Le CK, es-tu prêt? Le chat! Oui. Tu rentres directement après le refrain, attention. Kaira aussi. C'est pour les Rude Boys. C'est pour les Kaira aussi. C'est pour les Rude Boys. C'est nous la relève du 9-4. C'est pour les C'est rageux. 9-4. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. Mokobé c'est le Barça. C'est Douté c'est le Barça. 9-4 c'est le Barça. Los Grimos. 9-4 c'est personne ne bouge. Les comptoirs se dévalisent. Les capuches serrées. La bicrave pour le ralice. Les banquettes, les allers-retours freinent sans valise. Faut la mettre en veilleuse et les choy te neutralisent. Les assiettes, les perquises. Gros c'est le drame. Les histoires qui font kiffer. Rosenmark. Entre nous et eux y'a un fossé, je crois. On se serre la main mais on s'aime pas. Une histoire de S ou de paire de fesses. Tu vois que les frères. Le respect des anciens vaillants, des R.Y. Kerry James Bond. Fais les cowboys, mais tu peux te courser. Y'a pas de oussa, on veut les oussa. Mets ta robe, connais, Hugo, fais les courses. Dans ma tête, y'a le clip pour ça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, salam alaikum, merci, au revoir. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. S-A-L, Neymar. Pull up, pull up. Et pour les Raira aussi. Et pour les Hood Boys. Et pour les Jaira aussi. Et pour les Hood Boys. C'est pour les S-A-L, deuxième France, c'est parti. 9-4, c'est le Barça. S.A.M. Neymar. Rafale de balle en pleine tête, transforme ton foutu goal de merde en passe-toi. Pas de change d'équipe, passe me voir, je vais t'apprendre à rapper. 9-4, capital du rap, combien de fois je le rappelle. 9-4, capital du rap, combien de fois je le rappelle. 9-4, capital du rap, on est lancé. Plaquage de banque, plastique, poursuite, voiture puissante. Texte, musique, trafic, Hollande, grossiste, gros chiffre, vol, violent, violence gratuite. Deuxième France, tiens le usé. Les cartons sont serrés. Ta défense, on te la supprime. Sur le terrain, c'est la Syrie. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Stouf. Woodboy, c'est pour les Kaira. 9-4, c'est le Barça. Le 21 novembre en live à Bercy, l'album de Mokobé. On va gagner avec le mien. On va tout prendre. On va rien laisser. 9-4, c'est le Barça. Ah, 9-4, c'est le Barça. Ah ouais, mon pote, on y va. 9-4, c'est le Barça. Attention, on est en direct. Planète Rap. 9-4, c'est le Barça, c'est le remix. On est reparti pour un tour. Attention. Monsieur LECK. Oui. Monsieur SAM. Yeah, yeah. Et attention. En pole position. Ouais, maillot jaune. Maillot jaune. Le maillot jaune arrive. Numéro 10. Il marque des buts. Attention, refrain et monsieur DRY arrive, on y va. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Val-de-Marne, la maille, on brasse ça. Non, chez nous, y'a pas de l'arsa. Car qui est sévère, c'est notre arsa. Je rassale, car le ghetto m'a mis dans la merde. Souvent, j'ai dû faire causer les nerfs. Pour les potos, automatique, brolique, des forailles à bord de l'automatique. Auto, soit sont mes socios pour le bise, à falloir comme Messi, précis, quand il s'agit de la mettre comme Xavi. Ravi, quand les brings se font ravir, et tes galons n'empêcheront pas que tu chavires. Shoot KO, frappe de Alves, le genou à terre, tu m'appelleras son Altesse. Retour à du plomb, si tu charges comme tes vestes, on charge les bas de caisse pour chercher la haine. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. On a compris. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. On a compris. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. Yeah. C'est pour les charmés. 21 novembre pour les. Y'a qu'une seule date, y'en a pour les. C'est pour les Road Boys. C'est pour les Kaira. Les gars, c'est un Momo à Esprit Noir. C'est le Barça. C'est le Barça. Voilà, durant cette saison Planète Rap 2013-2014, il y avait ce remix aussi du 9-4, c'est le Barça. Elle avec. Il a duré au moins 7 minutes. 7 minutes 18. Avec évidemment Kerry, avec LECK, avec Dry, avec Sam de Deuxième France qu'on écoutait à l'instant, qu'on réécoutait sur Skyrock. On va repasser le morceau C'est Doudé dans quelques minutes. Oui. Avec des gens qui vont acheter. Depuis, on reçoit plein de photos en disant ouais, moi je l'ai acheté. Bise l'équipe, Marina notamment qui nous envoie un message. Ouais, ça fait plaisir, merci beaucoup. Faites une capture d'écran, on vous rappelle 1,29€ pour le single de Mokobé. Voilà, c'est Doudé. C'est qui... Doudé. Vont directement à la sauce. Il y a le clip qui arrive à 21h. Donc le clip il est très très lourd. Je suis super content. Donc grosse dédicace à Nicolas Noël et tout son staff. Et dédicace aussi à Walidia qui est dans le clip aussi. Ah. Il y a frérot aussi Issa Doumbia. Ah, Issa, comment il va, Issa? Issa il va bien. Il va bien. C'est marrant. Il est là. Il est en train de nous écouter. Ah, j'ai donc, vu la voilà. Télé. Il était hypnotisé la dernière fois. Tu ouais, je l'ai vu ça. Mais je sais pas si c'est vrai. Faut que je lui demande. Parce que tout le monde m'a demandé si. On va... Je vais lui demander si c'est vrai. Si, bah, c'est on peut appeler. Tu veux pas qu'on appelle Issa? On va lui demander dans un instant. Issa, on va t'appeler. Hein. On va t'appeler Issa. On t'appelle dans un instant. On t'appelle dans un instant, tu vas nous sortir si t'as. Et il y a aussi Noom. Il y a aussi, ouais, Noom. Aussi gros carton. Qui fait un gros carton, qu'est-ce qu'on film. A fait au bon Dieu, qui est à plus de 10 millions de places, hein, d'entrée, hein, je veux dire. Donc voilà, Mortel. Donc c'est un super gros clip, image à l'américaine. Mortel. Il y a un petit et, Pichu aussi qui est dans le clip, qui est là avec nous, je crois, ouais, ce soir. Ouais, elle est là. Viens, Elisha. Ah, Elisha. C'est elle est juste elle a peur incroyable. De rien, Elisha, elle était au platine. C'est plus qu'un incroyable talent. Elle est là. Ça va, Elisha? Oui. T'as pas peur du micro, toi, non? Non. Bon, non, rien du tout. Alors, le clip, comment c'est? C'est bien. C'est bien, t'es contente? Oui. T'as dansé, t'as fait quoi? Ben, j'ai dansé. les autres enfants, ils sautaient. Et c'était mieux, voilà. Ça fait joli et je dansais, moi. Et tu l'as vu, le clip fini ou pas encore? Je l'ai pas encore vu, mais il passe ce soir. Voilà, c'est ça, c'est ce soir à partir de 21h. Oui. Bon bah bienvenue Elisha, tu connais Planète Rap un peu, tu veux rapper, tu veux faire un freestyle, tu veux chanter? Je veux bien chanter. Ah bah. Tu veux chanter quoi Elisha? Je sais, c'est Doudé. Ah bah tu veux chanter comme ça a cappella, c'est Doudé? Oui. Ou tu veux mettre le casque après? Je veux mettre le casque. Eh ben ne bouge pas, on te prépare ça. Non, tu vas nous chanter ça. Tu vas nous chanter ces doudés dès qu'on va remettre le morceau. On applaudit très fort pour Elisha. Bravo. Voilà. Elisha qui est dans le clip à partir de 21h. Tu vas voir dans le clip, elle est juste incroyable. Et donc voilà. Et juste entre parenthèses, tous ceux six ans, Elisha. Six ans incroyable. Et tous ceux qui nous suivent là actuellement, parce que sur Twitter, je vois vos tweets et tout ça. Comme c'est une soirée best of et tout. Ce qui vous a marqué cette année, ce que vous avez kiffé grave. Ouais. Par exemple, un exemple, l'Algérie. Voilà, c'est Doudé ou voilà, le Mali, c'est Doudé ou le Maroc, c'est Doudé ou la paix, c'est Doudé ou tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous a bloqué durant cette saison 2013-2014. Voilà, 2013, mettez un hashtag avec Cédoudé, C-D-O-U-X-D-E-H. Voilà. Et on retweet direct. Et voilà, ça va être le feu sur Twitter. On va chauffer ça. Et un gros voyage à Dubaï à gagner pour deux personnes. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure aussi. Et on va essayer de joindre Issa Doumbia dans un instant. Tu vas lui demander s'il a vraiment été hypnotisé, parce que lui aussi, ça a été marquant cette saison 2013-2014. C'est vrai que j'ai vu des vidéos, le mec à un moment se croyait à poil sur le plateau. Il était à poil. T'as juste qu'il protégeait. Mais oui, il protégeait le matos. Hein, donc, il protégeait le matos. Et bah... même Elodie Gossuin, elle était super drôle. Et bon, on va avoir le fin mot de l'histoire dans un instant. Juste avant, Wessie de Toulouse, ça va bien Wessie? Ouais, ça va et toi, ça freestyle va? Freestyle par téléphone, comment ça va Wessie? Je te présente Mokobe, il y a LECK qui est là aussi avec nous. LECK, je l'avais vu sur une scène vers Hoche. Dans le 31. Et oui, va. Il y avait mes cousins. Et oui, va. Voilà, il y avait tes cousins et tout. Et oui, va. Et bah, oui, si on va t'écouter maintenant. Je rappelle aussi que pour tous les freestyleurs, il y a un film qui est sorti mercredi avec Thomas Njijol qui s'appelle Fast Life. Ouais, je l'ai très vu. Bon film. Ouais, très bon film aussi. Super marrant. Et bah, ouais, vous partez avec l'iPad mini et toi, il y en a un pour toi, Wessie. Mais juste avant, tu rappes, on t'écoute rapper. C'est parti. Allez. Trop d'M6 sous mes semelles. Tu parles à des trucs trop chaînes. T'approches pas trop de mes femelles. Tu sais celles qui sont sûres d'elles, qui te font perdre espoir. Tu vas rester dans le noir, même plus la peine d'y croire. Je passe devant toute ton équipe. Ton crew est pathétique, ça devient la routine. Comme un contrôle de flic. Et moi je les baisse tous mon flow hors du Dallas. Promis j'arrête le rap, toi ta mère dans mon palace. Lèche pas mes Nike Air, t'as une mauvaise haleine ma gueule. J'ai pas envie de mettre des Ike qui puent de la gueule. La concurrence donne son cul pour 2-3 heures de stud. J'appelle même pas ça de la concurrence, elle est censée être rude, gueule d'ange, Wessie, je sais que je fais la diff. Si j'y arrive, vous remplirez la bouche de pif. Me demande pas en feed, surtout si tu m'as rien fait croquer. Tu vas être en manque de buzz, espèce de sale drogué. De très haut sourcil, je te pose des soucis. Je vais t'expliquer des chars de mec que je graille comme un sushi. Faut pas rougir, y'a des taureaux dans l'arène. Il suffit pas d'avoir la couronne pour pécho la reine. On fait pas surprise, pas sponsorisé par Kinder. Je fume pas de weed, mais tu vas finir dans un grinder. Oh yeah, punchline, ratata. Je suis un ancien, je connais Pokémon depuis Ratata. Si on se fait des pas, c'est pas les mêmes que Zizou. Demande à Zaya, elle connaît le foot et tous ses dessous. J'ai pas besoin d'écrire sur des OCB pour les fumer. J'ai pas non plus besoin de gaz pour les allumer. On rappe depuis le berceau, on rappe jusqu'au cercueil. C'est pour ça que je préfère rapper solo car on meurt seul. Demande à Michael Jackson, même au top, tu tombes. Que tes faux amis, personne pour finir ta tombe. C'est chaud. Wessie à l'instant de Toulouse en freestyle. Bravo à toi Wessie, tu mérites largement l'iPad mini offert par Fast Life et Thomas Njijol qui était là avec nous mardi dans l'émission. C'est cool. Merci à toi Wessie. On peut passer une bonne soirée l'équipe. Eh bah, ben bonne soirée et très bonne vacances. Je sais pas si toi tu pars, si t'es en vacances Wessie. En ce moment je travaille. Eh bah, bon courage à ceux qui taffent tout l'été. Ouais, merci. Allez, bonne soirée, au revoir. À bientôt, c'est bon? Est-ce qu'on a Issa par téléphone, Fab? Fais-moi juste signe de la tête si c'est bon ou si c'est pas bon. On essaie de joindre Issa dans un instant. Ah bah c'est bon là. On a normalement Issa qui sera dans le clip de Mokobe, hein. Ouais. Ah bah, Issa. À 21h. Issa, comment ça va? Il est toujours, je crois qu'il est toujours hypnotisé en fait. Issa. C'est bon, laissez-moi avec cette histoire là. Sur les réseaux sociaux que c'était vrai. Laissez-moi tranquille. Donc c'est vrai, tu as cru que t'étais vraiment à poil devant des millions de téléspectateurs en fait. Non, mais, alors, je vous explique. Sur le moment, on n'est pas conscient, on est comme dans un rêve. Donc du coup, pour moi, oui, j'étais à poil. Maintenant, je suis désolé, j'étais pas à poil, j'étais habillé. Désolé pour toi, Fred. Est-ce que... Je sais que tu rêves de voir. Oh, calme-toi. Ouais. Non, mais déjà, je suis très énervé contre toi parce que j'avais un numéro de téléphone. C'est un sale numéro que tu m'as filé. C'est le numéro, genre, pour les relous parce qu'on n'arrivait pas à te joindre sur le numéro de portable. Il a fallu que je non, me plonge. C'est faux. T'as mis deux numéros. Ah, t'en as deux. Ok, bon, c'est bon. Ah, tu vois. Et t'es où, là, Issa? Je suis en train d'aller à Metz. Très bien. C'est en vacances? Non, du tout. Je mariage. Amuse-toi bien en Meurthe-et-Moselle. Écoute, éclate-toi bien. Merci, j'espère que tout le monde va aller acheter le pourboire. Parce que moi, je l'ai acheté. Ah, et bien. Franchement, c'est pour une bonne cause. Donc, mortel Mouko. Et il paraît que tu es nu dans le clip de Mokobé à 21h, une fois de plus. Tout à fait. Alors, ça, c'est gros buzz. Je serai avec ma merguez. Très bien. Et ben, on vous laisse découvrir à 21h. Merci, Issa. Je sais qu'on t'a dérangé sur le voyage là pour Metz et tout. Non, merci à toi. Non, mais dans le clip, il est mortel. Dans le clip, il est super marrant. C'est de la bombe. Bien. On verra ce soir à 21h si je suis marrant ou pas. Non, t'inquiète, t'es bien. Et bon mariage en famille alors à Metz, hein. Merci. Embrasse la fille de Mokobé, Elisha. Ah ouais, elle est là. Elle est trop mignonne, Elisha. Tu l'as vu? Bah, tu l'as vu dans le clip, ouais, forcément, Issa. Ouais, j'ai vu. C'est sa future fille, hein. What? À bientôt, Issa, bonne route. Salut, embrassez les gars aussi. Salut les gars. Bisous, vas-y, frérot. Ciao. Ensemble, ciao. Toujours cool, Issa, hein, qu'on retrouve un peu. Putain, il cartonne, Issa. Hein. Ouais, il cartonne, franchement. Ah, ça fait plaisir. Il revient de loin, là. Il cartonne, il est là, il est dans plein de films, dans plein de séries, à la télé. À la télé sur TF1, là, dans les chats. C'est Chers Voisins, hein, c'est ça? Ouais, grave. Donc, il devient de plus en plus populaire et c'est bien, Ah, parce qu'en vérité, avant, tu voyais pas ça à la télé, là. On voit de plus en plus de têtes. Donc voilà, c'est cool, c'est Doudet. Voilà. Et voilà, c'est Doudet, vous retrouvez le clip. D'ailleurs, avant de se quitter, on a le temps de remettre ces Doudets, non? Bah ouais. Ce serait peut-être pas mal qu'on le mette maintenant. Bah ouais. Je voulais en profiter pour en faire une grosse dédicace à mon frérot Jilali. Je pense très fort à toi qui est là, qui est à Villepinte. Bon voilà. Ça, c'est la famille, c'est comme mon sang, c'est mon petit frère. Et voilà, je t'aime beaucoup. On est ensemble. Les jaloux vont maigrir. On écoute le morceau maintenant. C'est Doudet. Et on vous rappelle que ce morceau, il coûte 1,29€. On peut le télécharger maintenant. Et vous faites une bonne action puisque tout l'argent va, non pas dans les poches de Mokobé, mais dans l'association So. Non, l'association So avec Majid, justement. Et voilà, c'est des repas qu'on offre. Donc voilà, comme on vous a dit depuis tout à l'heure. C'est Doudet, voilà, est disponible dès maintenant sur iTunes. Et voilà, l'aventure C'est Doudet va commencer vraiment à partir de là, à partir de maintenant avec toi, Fred. Et à partir de 21h puisque le clip arrive. Donc à partir de là, on bombarde, donc bombardé. Et voilà, et n'oubliez pas les hashtags C'est Doudet sur Twitter. Mais au-delà que c'est un morceau avec une cause derrière, c'est un morceau qui est lourd quand même. Ah bah il est super lourd, le morceau. Il faut aller le chercher, direct, tu vois. Direct. Là c'est le retour de Mokobé, donc au-delà de savoir que ça va aider des gens, bah, c'est aussi un morceau qui est super. Tu as raison de le préciser, le CK. Ouais, bravo. Allez, on balance C'est Doudet, c'est parti. C'est Doudet. C'est Doudet. Ça c'est Doudet. C'est moi qui est doux. Oh, laisse-moi. Non. Ça c'est Doudet. C'est moi qui est doux. Je te dis que c'est Doudet. Madame, c'est moi qui est doux. Voilà, c'est Doudet. Bon, ok. Aïe. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Entre l'espoir et la crainte, c'est pas facile. Toucher nos rêves, tant que possible. Accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible. Parfois on s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde comme Tom Hanks sur une île. Sauve ton cœur, laisse le parler, avance. Rien ne sert de courir après le passé. Caresser l'espoir, c'est douter. Savourer une victoire, c'est douter. Un mariage, une naissance, un baptême, un ami, tout ce qu'on partage, c'est douter. Laisse les grimaces, je vois un smiley. Je vais injecter de l'amour et de la paix comme Bob Marley. C'est maintenant jamais, la vie on va la slataner. Let's go. Comme tout le monde, oui j'ai des défauts. Je fais ce qu'il faut même si je fais des fautes. Si je flaire, faut que je me rattrape. Car dans ma vie j'en ai vu d'autres. On dit qu'il n'est jamais trop tard. Faut bien prendre un nouveau départ. On recherche tous de la chaleur. On se lève chaque jour en quête du bonheur. Ils disent qu'on y arrive de justesse. Qu'on a beaucoup de faiblesses. Mon résiste every day. Serre les coudes, c'est Doudet. Ensemble on relève les défis. C'est la raison de notre réussite. C'est maintenant ou jamais, la vie on va la zlataner. Let's go. Le clip arrive lourd. À 21h. C'est tout fait. clip à 21h. Clip Charlie. Il y a des jolies femmes dedans. Yeah. C'est Doudé, c'est le patron Doudé. Hein? C'est Doudé, c'est Doudé. C'est Doudet à l'instant sur Skyrock. C'est Doudet. On peut le trouver pour 1,29€ et on vous rappelle que c'est pour une bonne cause puisque les revenus de les bénéfices de ce morceau vont directement à l'association So. Voilà. Elisha, tu es prête à chanter là? T'es prête à chanter? Oui. Elisha, que vous retrouverez dans le clip aussi avec Issa Doumbia là à 21h. Allez, vas-y, on te remet l'extrait, tu chantes le refrain? Ok. C'est parti. Let's go. C'est Doudet. Je crois qu'on peut applaudir Elisha à l'instant. Et si vous avez les images, si vous nous regardez sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock, vous avez vu la chorégraphie d'Elisha? Je te jure. Putain, c'était magnifique, Elisha. Merci. Eh ben, de rien, on peut te retrouver sur Twitter, on te suit sur YouTube, sur Facebook, t'es déjà partout. Non, pas encore, t'as raison, prends ton temps. T'as tout le temps, Elisha, pour aller là-dessus. Ok, et en attendant, on va te retrouver donc à 21h dans le clip de Mokobé. Oui. Eh ben, écoute, longue carrière à toi, Elisha. Hein. Longue carrière à toi. J'espère que tu vas revenir ici dans Planète Rap quand t'auras ton album fini. Oui. Voilà, d'ici 3 mois. En plus, je suis passé dans. Dans quoi? Dans quoi? Comment ça va bien dans toute une histoire? À la télé. Ah, la télé. Oh, c'est une star, c'est une petite star. Et aussi à la rentrée, je vais passer à TF1. Ah, ah bah au journal. Sur Papa Outé. Sur Papa Outé. Oui. C'est une nouvelle émission de TF1 peut-être. Non. D'accord, bon bah sur Papa Outé. On suivra sur Papa Outé, d'accord? On suivra ça sur TF1 à la rentrée, hein, puisque tu fais ta rentrée sur TF1, hein, Elisha. Oui. Et on t'avait en exclu sur Skyrock, c'est incroyable. C'est bon pour le morceau de LECK? On a le morceau? Ah, on va retrouver parce que. Ah, t'es sûr qu'on a le morceau? Oui, mais Elisha, on a le morceau, oui. Elisha, elle a pris le contrôle de Planète Rap. C'est toi qui vas faire Planète Rap l'an prochain d'ailleurs, non? Oui. Bah. Je crois que non, je vais prendre des longues vacances moi dès ce soir en fait, c'est bien. T'as vu ça? C'est bon, la relève est assurée. On a le morceau de LECK? C'est quoi le morceau LECK qu'on doit passer? C'est Schwarz. Schwarz. Schwarz. Ouais. C'est celui. Ok, c'est bon. Tu veux le présenter? Elisha, tu veux dire sur Skyrock maintenant tout de suite on écoute LECK Schwarz? Vas-y, dis-le. Ouais. Vas-y. On est là sur Skyrock, on écoute le Schengar Swag. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Le Schengar Swag. Allez, on balance le morceau maintenant, c'est parti sur Skyrock. LECK. Amido à la prod. 140 squadra. Insta prodige. Le 140 squad, exa. Pourquoi ces fils de lâche m'étonnent? Raconte la street vue par leurs potes. Ils donneraient père et mère bien avant que les keufs frappent à leur porte. Tu veux du rap venu du hall? Je te donne un rap venu de la cave. On sait le faire, comme dissoudre le bicarbonate dans la cam. Vitrio, foulette pom-pom. Balzac, ouzi, la vanoise. Négro meurt en tête à tête avant que ma gang crie abana. Que des sourires sans cœur. Le profit, oui je dénonce. Roule un joint, collage à gauche pour faire profiter tes démons. Donne pas de nom, fais pas comme lui ou mentalement. On pourrait te nuire, tes nuits sont blanches, ta peau est rouge, t'as parlé au bleu. Non, je peux pas les sentir. Je les casse à Jinda et tout. Ils savent pourquoi. Wallahi, me contrôle pas, je contrôle pas. J'arrive en I, aucune douceur. Je suis dur à porter comme à prendre ton sap, baisse ta petite sœur. XPTDR. La galette se vend au détail. Écoutez bien ça. J'ai mangé chier les pétales, mon avance au bled dans le bétail. Sale bâtard, c'est la rune, hein. La zip qui paye les loyers. Quand je te parle du quartier, obligé de te tendre mon poignet. Hein? Pour l'époque de Balzac, retout est dans toutes les. Le clip arrive pour très très bientôt. Le Slimane, les vitrio. Gardez à vue, Dahlel, monsieur Trump. C'est haram. Zoné, fumé, boucan, jacté, c'est moi, ralos. Et encore, je crois que je suis allé trop fort pour eux là. Attends. Et le H, on va descendre un peu l'intensité. Attention les gars, attention. C'est pour un Midou, son bon Dizou. Fais fumer sur la seule, je vois le L en doux. Je recule des beurettes et leur sale manière. Je vais leur apprendre ce que c'est de vouloir tester wet fou. C'est pour Mazo, bonhomme ou voyou. Malik, Stuart, Amar et Amorce. Pour les chiens de la casse, il faut tes clés et qui te bossent. Qui viennent braquer ta Rolex le soir de ta nuit de noces. Chez nous, c'est défonce, débat à deux balles. Genre, qu'est-ce que tu penses, Siro? On s'en bat les rêves, on fait nous tous trop de bruit. Et le soir, on retourne au Paname avec Douga. Bla tête tête tête, ta Rome Zer, je kiffe même les pas tout matin. Bla tête tête tête, t'as ta chance même si t'es flamme, batata. C'est pour Delta, de la Vega. Le chat, Mendoza, saison 2. Mais qu'est-ce que tu crois? Mes rebeux, mes renois font des tiers trop sales. T'as ton poulain, ramène-le moi. Niveau freestyle, jamais exemple. 2014, faut faire les choses et qu'une de ces phrases servent d'exemple. Schwartz en vue, bloquer les bitches. Un Schwartz de renom, jamais hybride. Tu kiffes, jamais hybride. Nique ta Rome Zer, jamais équipe. Du charisme, on veut tu envoies la Counter chef. T'es la pire race. Schwartz, Schwartz, t'es la pire race. Schwartz, Schwartz, t'es la pire race. Schwartz en vue. Bloquer les bitches, un Schwartz de renom, jamais hybride. Tu kiffes, jamais hybride. Nique ta Rome Zer, jamais équipe. C'est cramé, on veut tu envoies la Counter chef. T'es la pire race. Schwartz, Schwartz, t'es la pire race. Schwartz, Schwartz, t'es la pire race. Schwartz en vue. À la Tupac. Schwartz, à l'instant, on met un extrait parce qu'il est long en fait. Il est long le morceau. Très long, très très long. On le mettra dans la nocturne, le morceau en intégralité. Et on peut le trouver aussi partout, le CK ce morceau. Il est toujours disponible hein, sur iTunes avec le morceau noir. Donc voilà, il est toujours disponible, mon morceau noir avec le morceau Schwartz, c'est Doudé. Et ben merci d'être passé en tout cas, Moko, pour ce final en beauté de ce dernier numéro de la saison de Planète Rap. Merci à toi, merci à toi. Le 18 août, merci à toute l'équipe, en tout cas merci à mes deux fabs voilà, qui ont bien bossé, à Momo, qui a bien bossé en vidéo. On peut même les applaudir. Hein. Bravo, bravo, bravo les gars, à Damien qui a fait plein de sons pour Planète Rap, à Sam qui a fait les promos, à toute l'équipe. Les deux fabs... Force à vous, vous êtes les meilleurs, moi je les kiffe. Hein. Ouais. C'est méga. Tu veux les prendre un peu? Je crois que je file pendant les vacances. Fab, il vient avec moi en tournée des fois, c'est ça que t'es pas au courant. J'en ai bien peur. Hey. Et merci à Moko, merci à LCK d'être passé, merci à la petite Elisha, t'as été top Elisha. Y'a pas de souci. Si je peux faire justement un big up, donc je vais commencer. Toumani est là, ici présent. Il y a DJ Hitman ici qui est là. Il y a Dalil qui est là. Tout le monde est là. Il y a Momo. Eh oui. Et comment dire, donc voilà, c'est la famille. Il y a Los Grumos qui est ici. Il y a Badala 94 qui est là, qui m'accompagne sur scène. Et il y aura son en exclusivité comme les autres, justement dans la nocturne. Donc voilà, il va y avoir du lourd. Ça va être du lourd. Donc voilà, Anis Der ici présent. Le chat. Très très important. Qui est là, ici présent. Donc voilà, la famille. Petit Hamza. Et Bim, le célèbre. Bim, bim, le mannequin. Et le voilà. Célèbre. Et merci justement à tous ceux qui me suivent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Grosse dédicace à vous. Grosse dédicace à vos familles. Voilà, que Dieu vous protège et que Dieu vous donne longue vie et vraiment paix dans le monde. Inch'Allah, qu'il y ait la paix dans le monde. Et voilà. Il faut qu'on oublie ce qui nous divise et qu'on se rassemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Et c'est Doudé. On est ensemble. Merci à vous tous. Bravo Mokobé. Merci. Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir ou même de se reposer un petit peu. Bonne fin de Ramadan aussi à vous tous. Hein, merci. À tous ceux qui font le Ramadan. Voilà. Bonne fête à vous tous. Enfin, dans les jours qui viennent. J'ai des dates, vite fait. Vas-y, à l'OCK. Le 1, le 8, le 15, le 22 au Pacha de Marrakech. Et je suis là-bas. Le 1, le 8, le 15 et le 22 au Pacha avec DJ Hamida. Et terrible. Voilà. Gros bisous à DJ Hamida d'ailleurs. Et merci à vous tous. Très belle saison en tout cas de Planète Rap. Grâce à vous aussi. Hein, vous étiez de plus en plus nombreux à écouter Planète Rap. Merci. Dédicace à Mo Black. Merci à vous tous. On se retrouve le 18 août avec DJ Case. Et on balance la pub. Et juste après, on retrouve D-Fool. Ciao, ciao. Ami. La famille Mbengue. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Skyrock t'offre le DVD Fiston. Et plus de...